Patrick Diamona. Sous-titrage Société Radio-Canada.

lac Bayonne, le géant Manache Boloa, Yelunawa Montomo. Bakoto et Nizedas Bobo Boteli Minae Anono Durambo Kisema Ahmed Bakayoko Tête de veau. Être de vous. Kole, Mimi Boleke. Zoka, gdzie to wali posła, nie panda. Jaki jest to? in Dumbi, made in Italia. Kiongwe, baso kunda bibe mena biso ya bangweza kopola sa me pama sinde Wele de sousa ye Ah, ah. Il est dans l'eau, allez, tu donnes un petit peu.

yoka c'est marré ma tête hey chama Oh, Janda Silva, Silva, Silva, Silva, Silva, kolo ah papa na beli bana kungwa e babule batema babu aba da mele sanya pamiaga aya kwe aya kwe kwe kema uya kwe kema. Oh, yeah. Vamos a ver.

cantona. Oye, sabato, sabato, sabato, sabato, eh. Azaka tabate, ya, ya, ya. Mezzanjona. Yeah. Agnès et Fomi. Ouh, Nalingie, Kozala nga mabete. Oh, Nalingie, Kozala nga mabete. Jeri dengo ya luba kanko bafaka ye mabete. C'est bon, Kapuza kuna. C'est ça. Alpha mon flipé. Ah oui. Michel et Besako. Encore. Allez, te Fomi. Nadrancy, resto le Pacifique. Mabe y'en a trésor, moukoula yangye. Kadima, boutique Grangy, métro Étienne Marcel. Jeanne Ifoku, Mireille Kondé na Irlande, Julie Kisema, Samba Mouté Samba. Kabwende, Ila Jomba, Chetemba, Sa Soussou, Coupe d'Afrique. Félicitations, équipe Yaleoba, Constant Omari, Wanamo Sele, Mekel Mele, Freddy Kouanza, Tonino, Fernandez, Lomako Baba Mazabenga, Anto Antaya, Lomako Baba Mazabenga, Bijou, Ando Mouchani, Lakanya, Tonne Bonda, Sami Mikobi, Fidel Pai, Achiko Molele, Abane Bonangai, Baba Somi Telefono, Sambo Bale Bonanga, Baba Somi Allo Allo, Yego Manatangwa Bosolo La La, Bako Mende, Baba, Yego Manatangwa Lisolo, Jezi Bodri Na Sefa, Kubani Gini Gini Kubani Gini, Kubani Gini Gini Kubani, Eza Babus, Eza Babwal, Eza Babus, Eza Babwal, Odi Maloyi, Ridan Bidiakou, Rissassa, Madiba, Madiba, Madiba, Lokwe, Tuatamasa, Bafo Mouleke, Madiba, Chassi, Yassi, Kachassi, Abidjan, Yassi, Abidjan, Rissassa, Tomba. Ha ha ha.